Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Gabriel Garcia Marquez, le maître du réalisme magique. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Dès ma naissance, je savais que je serais un écrivain. Je voulais être écrivain. J'avais la volonté, les dispositions, le courage et la capacité de le devenir. J'ai toujours écrit et je n'ai jamais songé à faire autre chose. Je n'ai jamais pensé pouvoir en vivre, mais j'étais prêt à en mourir de faim. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Gabriel Garcia Marquez, dans le documentaire de Mauricio Martinez Cavard et Yves Billon, Gabriel Garcia Marquez, l'écriture sorcière, chronique d'une mort annoncée, l'amour au temps du choléra ou son chef-d'œuvre, 100 ans de solitude, ont fait de Gabriel Garcia Marquez l'auteur latino-américain le plus lu au monde. 100 ans de solitude a été traduit dans une quarantaine de langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Gabriel Garcia Marquez a remporté le prix Nobel de littérature en 1982. Il est mort en 2014. Il disait qu'il n'inventait jamais rien, qu'il n'écrivait que sur les gens qu'il avait vus. Gabriel Garcia Marquez avait 87 ans et une vie construite entre les lignes. Les hommages affluent. Les géants ne meurent jamais, a déclaré le président colombien Juan Manuel Santos. Même la guérilla des FARC a exprimé ses condoléances. C'est le sentiment partagé d'avoir perdu un homme rare. En 1982, Garcia Marquez reçoit le prix Nobel de littérature. Il assiste à la cérémonie vêtu du costume blanc traditionnel de la côte Caraïbe. Ses engagements politiques, ceux avec Fidel Castro par exemple, vont lui causer des rancœurs. Mais les fâchés d'hier honorent aujourd'hui sa mémoire. Un grand écrivain est parti. Son travail a permis une large diffusion et la renommée de notre littérature hispanophone. Ses romans vont lui survivre et continuer de gagner des lecteurs partout. Tous ses romans ne remporteront pas le même succès, qu'importe. Il pensait, disait-il, à la mort, mais aussi peu que possible. Ça l'attristait car il s'agissait de la première expérience qu'il ne pourrait pas raconter, le mot de la fin qu'il ne pourrait pas écrire. Gabriel de América Latina, sigue contando tu historia hasta el final. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz, tiene voz en tu Sur la chanson Gabriel Garcia Marquez du groupe Los Calchaquis, vous entendiez un reportage de TV5 Monde diffusé au moment de la mort du grand maître colombien en avril 2014. Pour nous parler de la vie, de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, je reçois Richard Boivin, qui a enseigné pendant plus de 30 ans la littérature, le cinéma au cégep de Chicoutimi. Richard Boivin, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Où placez-vous Gabriel Garcia Marquez, Richard Boivin, dans ce panthéon des géants de la littérature au 20e siècle? Moi, c'est un de mes auteurs favoris. 100 ans de solitude demeure un des romans les plus importants pour moi, qui a jamais été écrit. Je ne suis pas le seul, rassurez-vous, malgré mon humble avis. Les plus grands critiques considèrent que c'est un des auteurs les plus importants de la littérature, non seulement sud-américaine, mais de la littérature mondiale. On l'a comparé à Rabelais, à Cervantes. C'est Neruda lui-même qui a comparé à 100 ans de solitude à Don Quichotte, vous vous rendez compte, c'est quand même important. On a parlé de Victor Hugo également. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très, très important. Un géant. Oui. Ouais. Et en Amérique latine en particulier, évidemment, il a une importance peut-être encore plus grande. Voir un peu justement ce que ça veut dire, Gabriel Garcia Marquez, quand on est sud-américain, quelle importance a aussi la culture latino-américaine dans sa littérature. On écoute un extrait de l'émission de France Culture, La Compagnie des auteurs, qui consacrait 4 épisodes à Gabriel Garcia Marquez en septembre 2018. Je ne dis pas que j'ai coupé les racines avec mon pays. Je n'ai même pas coupé les racines avec les Caraïbes. Mais il y a bien longtemps que ce problème ne m'inquiète plus. C'est vrai, il y a une époque où l'on considérait comme une trahison le fait de ne pas vivre en Colombie. Mais moi, j'ai une réponse toute prête. Quel que soit l'endroit où je me trouve, j'écris un roman colombien. Les éléments de base, tous les thèmes que j'ai développés dans mes romans existaient déjà dans ma tête dès 10-11 ans et l'influence du vallenato, de toute cette culture populaire des Caraïbes, est ancrée au plus profond de moi depuis mes toutes jeunes années. Intéressant ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait Charles Boivin. Qu'est-ce qu'il représente, Gabriel García Márquez, pour les Latino-Américains? Comment il est perçu en Amérique latine généralement, puis plus particulièrement dans son pays d'origine, la Colombie? Bon, les Colombiens se sont peut-être sentis un peu frustrés par le fait qu'il a quitté assez rapidement son pays pour travailler, notamment en tant que journaliste d'abord. Puis il est allé en Europe où il est resté pendant un grand bout de temps. Il est resté en panne parce que le journal qui l'avait envoyé là-bas a fermé en cours de route, ce qui s'est retrouvé à peine dans le sou. Lorsqu'il est revenu, il s'est installé au Mexique où il a passé une bonne partie de sa carrière. Il a voyagé un peu partout, puis après le succès des 100 ans de solitude, alors il est devenu un peu le citoyen du monde, si on veut. Alors, les Colombiens se sont sentis un peu frustrés, mais en même temps, ils se reconnaissent tellement dans ce que Gabo, comme ils l'appellent, affectueusement, c'est Gabo, Gabito, le petit Gabi, ils le considèrent un peu comme nous, on considère notre Michel Tremblay, si on veut. C'est l'auteur qui les a révélés au monde. Et on prétend que tout Colombien, je ne sais pas si c'est vrai là, mais tout Colombien est capable de réciter par cœur la phrase d'ouverture du roman des 100 ans de solitude. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Laureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Et il paraît qu'ils sont tous capables de dire ça. Oui. Déjà tout petit. Oui. Donc, importance immense parce que c'est lui qui propulse, enfin, c'est l'ambassadeur de cette voie littéraire de l'Amérique du Sud, puis il parle d'eux aussi. Bien sûr, bien sûr. Il décrit autant leur vie quotidienne que leur organisation politique. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est colombien. C'est ce qu'il disait dans l'extrait. Hein. Ouais. C'est-à-dire, où que je sois dans le monde, j'écris un roman colombien. Ouais. Parlons de son style, parce que ça fait partie de la grandeur de l'œuvre, le style et l'univers aussi de Gabriel García Márquez. On le présente souvent comme le maître du réalisme magique. Pourquoi? Le réalisme magique, c'est un terme que les critiques ont trouvé pour décrire ce qui se passe dans ces romans. Ça se définit comme tel, le réalisme magique, comme étant l'abolition de la frontière entre les rêves, les fantasmes et le monde quotidien. Donc, un mélange de réalisme et d'humour, de questionnement métaphysique, imaginaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est-à-dire, c'est que dans certains romans, c'est très normal qu'on côtoie les fantômes des personnages qui sont déjà morts. Mais ce ne sont pas des fantômes qui font peur, entendons-nous. Là. Ce n'est pas du fantastique, entendons-nous bien, d'accord? Le fantastique nous met dans une situation normale où ça bascule pour nous amener dans ce qu'on appelle une inquiétante étrangeté. Le réalisme magique, lui, considère que ces choses-là sont totalement normal. En fait, c'est pas, contrairement à l'inquiétante étrangeté, il s'agit d'une intrigante normalité, si on veut. Et comme il a une formation de journaliste, une pratique journalistique, en fait, plus qu'une formation, parce qu'il est devenu journaliste un peu par accident, parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose, puis ça lui permettait d'écrire. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, citation exacte, hein, « J'ai simplement voulu laisser un témoignage poétique sur le monde de mon enfance qui s'est déroulé dans une grande maison triste, avec une sœur qui mangeait de la terre, une grand-mère qui devinait l'avenir et de nombreux parents qui portaient souvent le même prénom et qui n'ont jamais fait clairement la distinction entre le bonheur et la démence. » D'après lui, ce qu'il écrit, ce qu'on appelle réalisme magique, c'est simplement ce qui se passait dans la maison chez lui. Et cet univers-là, il va plaire beaucoup. Je reviens à ces chiffres de vente absolument extraordinaires dont je parlais. 100 ans de solitude, c'est plus de 50 millions d'exemplaires exemplaires, traduits dans une quarantaine de langues. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Ben, au-delà de 100 ans de solitude, parlons de tout ce qu'il fera, parce qu'il aura d'autres, puis on le verra dans les minutes qui viennent, d'autres grands romans. Qu'est-ce qui explique un tel succès? D'abord, il raconte, comme personne d'autre, des histoires qui sont ancrées dans des racines qui portent à l'universel. Hein. C'est-à-dire, c'est Voltaire qui disait ça, si vous voulez être universel, parlez de votre coin de pays. Ouais. Ce que font tous les grands écrivains, déjà au départ. Cela dit, lui-même ne comprend pas son propre succès. Il considère que... il ne comprend pas du tout le succès de 100 ans de solitude, et si ce n'était que de lui, ce serait plus l'Automne du Patriarche, par exemple, qui serait son chef-d'œuvre préféré à lui. C'est lui qui lui a donné le plus de problèmes. C'est celui qui, sur lequel il a le plus bossé, mais mot par mot. Là. C'est vraiment... Ça a été complexe, ça a été difficile. C'est une création temporelle, télescopique, ce vieux patriarche-là, qui a des souvenirs qui sont anachroniques, il est dans sa jeunesse, dans sa vieillesse, sur le bord de son lit. Mais c'est vraiment beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé. Oui. Mais d'après lui, ce serait l'œuvre pour laquelle il aimerait être reconnu au-delà de sa mort. Mais ça ne sera pas ça. Non, ça ne sera surtout pas ça. Ça sera 100 ans de solitude qu'il publie en 67. Parlons-en quand même un peu de celui-là en particulier. Pourquoi c'est un si grand livre, Jean-Boire? C'est un si grand livre parce que c'est un univers complet et total. Certains ont comparé ça comme si c'était une nouvelle Bible, une nouvelle allégorie de l'histoire humaine condensée en 100 ans sur 6 générations. Mais surtout, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ce qui me bouleverse toujours dans ce livre-là, c'est que c'est d'une drôlerie, ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas nécessairement. Il y a deux sortes de monde. Il y a des gens qui sont, comme moi, totalement enthousiastes et aspirés par le livre à chaque fois qu'ils le lisent. Moi, je l'ai lu 3 fois jusqu'à maintenant, avec un plaisir toujours, décuplé à chaque fois. Et d'autres qui n'arrivent pas et qui surnagent dans cette histoire qu'ils considèrent un peu trop complexe, parce que sur 6 générations, les personnages, notamment les personnages masculins, ont le même prénom. Il y a deux seuls prénoms qui s'échangent tout le long, c'est Aureliano et Arcadio, José Arcadio. Et ça peut porter à confusion, mais en même temps, en tout cas, moi, j'ai fini par lâcher prise dès le départ, hein, parce que tous les Aureliano et tous les Arcadio se reconnaissent, ils se télescopent, ils reproduisent celui de la génération précédente, ce qui fait qu'il y a une sorte de continuité. Et en parallèle, il y a la mère, Ursula, qui est la mère fondatrice. Ursula, elle, va vivre plus de 100 ans. On ne se pose jamais la question sur le fait que le personnage d'Ursula dure 100 ans et qu'elle est en continuité, alors que les personnages des hommes, qui sont Aureliano et Arcadio, même s'ils changent de génération en génération, sont finalement le même personnage également. Ouais. Y a cette sorte de torsion de continuité. Ouais. Puis, tout ça dans une solitude aussi en même temps. Ce qu'il dit à propos de la solitude, Garcia Marquez, c'est que c'est le contraire de la solidarité et que le grand problème des Buendia, c'est qu'ils ne savent pas aimer. Et ce qui les projette dans cette solitude est époustouflante. Ouais. En même temps, c'est l'histoire du siècle, c'est l'histoire de l'évolution technologique, c'est l'histoire de ce village-là qui va partir avec 30 fondateurs, qui va devenir avec 300 habitants, qui va connaître un essor extraordinaire, il va y avoir une compagnie bananière qui va venir, et puis là, mais c'est l'histoire de l'humanité. Précipite, si on ne l'a pas encore lu. C'est publié en 67, 100 ans de solitude. Un autre grand coup de tonnerre dans le ciel littéraire va se produire en 1981, quand Gabriel Garcia Marquez publie « Chronique d'une mort annoncée ». Le jour où il allait être abattu, sa mère pensa qu'il s'était trompé de date en le voyant vêtu de blanc. Mais c'est aujourd'hui, lundi, lui rappela-t-elle. L'histoire, elle est remarquable parce qu'elle commence justement, la chronique d'une mort annoncée, elle commence par vous dire ce qui va arriver et aussi par vous dire comment il va raconter l'histoire. Il va raconter, il commence par la fin et il va décomposer le début. Donc le titre est un manifeste littéraire. Voilà, exactement, c'est un mot d'emploi. Et si on regarde plus loin, Et on se rend compte que le sujet de la chronique d'une mort annoncée est quand même un sujet mythologique très fort. Mm-hmm. C'est la cécité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui va arriver. On ne voit pas. Alors que tout est annoncé. Voilà, on ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les signes ? Comment est-ce que je suis passé à côté d'une chose si évidente ? C'est cette question qu'on se pose depuis Oedipe. Et Garcia Marquez la reprend ici et il fait une réécriture du mythe, un peu un mode contemporain. En revanche, la seule chose qui préoccupait sa mère dans cette visite de l'évêque, c'était que son fils ne fût pas trempé par la pluie, car elle l'avait entendu éternuer durant son sommeil. Elle lui conseilla de prendre un parapluie, mais il lui fit de la main un signe d'adieu et quitta la chambre. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. À nouveau un extrait de l'émission « La compagnie des auteurs » diffusée à France Culture en septembre 2018. Vous y avez entendu Renaud Bertin lire un extrait de « Chronique d'une mort annoncée », de même que l'écrivain vénézuélien Gustavo Guerrero parler du génie de Marquez dans ce roman. Que dire de ce roman « Chronique d'une mort annoncée » Richard Boivin? Et c'est le plus grand divulgateur de l'histoire de la littérature. Ça fait partie du procédé. On sait comment ça va finir. Oui, ouais. C'est devenu une expression courante. On dit souvent que c'est chronique d'une mort annoncée ou chronique de telle chose. C'est dans notre langage courant, pratiquement. Donc, cette histoire qui est racontée par le narrateur qui va faire enquête. En fait, c'est un antipolar, si on veut, parce qu'on sait vraiment qui va être tué. Puis les seules personnes qui ne savent pas ce qui va se passer, c'est justement celui qui va se faire assassiner et sa propre mère. Donc, ça crée une ambiance tout à fait particulière pour le lecteur parce que l'enquêteur, le narrateur, qui est l'ami du protagoniste principal de Santiago Nazar, va faire le tour et nous amener le point de vue de tous ces personnages. Ce qui fait qu'on va comme avoir un personnage central qui est comme enfermé dans une salle de miroir. Et on sait inévitablement que ça va se produire. Puis donc, il réussit à créer cette sorte de suspense à la grande surprise, là, parce qu'on ne devrait pas être surpris tant que ça, puisqu'on le sait, mais il arrive à le faire. Il a basé cette histoire-là, d'ailleurs, sur un meurtre qui s'est vraiment déroulé en 1951 dans une ville du nord-ouest de la Colombie. Fermín, je rêve de cette occasion providentielle depuis 51 ans, 9 mois et 4 jours. Voilà exactement la durée de mon amour, depuis le premier jour où je vous ai vu jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous réitère une fois encore mon serment le plus pur d'éternelle fidélité et d'amour à tout jamais. Florentino Arissa. Décampez vite d'ici! Allez-vous-en! Et je ne veux plus revoir votre visage pendant les années que vous avez encore devant vous! Et j'espère que vous en avez fort peu. Extrait du film « L'amour au temps du choléra » réalisé par Mike Newell en 2007. Vous avez peut-être vu le film, il mettait en vedette Javier Bardem. « L'amour au temps du choléra », c'est probablement le roman de Gabriel Garcia Marquez le plus populaire. Richard Boivin, pourquoi? C'est une histoire d'amour, c'est une histoire romantique à souhait, qu'il a basé d'ailleurs sur l'histoire de ses propres parents, puisque son grand-père, sa grand-mère, chez qui il a vécu pendant toute son enfance d'ailleurs, ont refusé que leur fille soit mariée à ce pauvre jeune homme qui avait pas d'avenir, puis en plus il était même pas du bon côté politique, c'est vraiment une aberration, et donc ils vont finir par se marier, sauf que Gabriel Garcia Marquez a imaginé son histoire. Que se serait-il passé si mon père n'avait pas épousé ma mère comme ses propres parents l'avaient refusé? Et il a imaginé cette histoire d'amour qui dure sur 70 ans, qui était vraiment hyper romantique. C'est une très, très, très, très belle histoire. Et ça tranche vraiment carrément sur les thèmes qu'il a abordés auparavant. Oui. Puisque là, on est vraiment plus dans l'intime et dans l'histoire d'amour. Mais ça demeure quand même du Garcia Marquez, hein, avec, oui. Avec sa griffe, avec sa façon. Oui. Parlons, pour terminer cette émission, du volet plus politique de Gabriel Garcia Marquez. C'est évidemment un géant de la littérature latino-américaine, mais c'est aussi quelqu'un qui a des idées politiques bien arrêtées. Comment décrire cette vision politique, son engagement politique? Très rapidement, Gabriel Garcia Marquez a pris position contre les régimes politiques totalitaires d'Amérique du Sud, très rapidement. Est arrivé aussi à épouser, je dirais, la cause socialiste, communiste, a travaillé en collaboration avec les Cubains, oui. Avec Fidel Castro notamment, avec qui il est devenu très ami, ou un ami avec qui il a partagé des conversations littéraires, paraît-il, extrêmement profondes. Il reconnaît Castro comme étant un des meilleurs lecteurs qu'il ait jamais connu. Aussi, travaillé contre la propagande anti-cubaine au moment de l'histoire de la baie des Cochons en 1961, ce qui lui a valu, évidemment, d'être interdit de séjour aux États-Unis. On a aussi interdit la lecture de ses livres dans plusieurs pays en Amérique du Sud. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas non plus la langue dans sa poche, qui prenait position, qui s'est vraiment mis les mains dedans, qui a écrit des articles en faveur du peuple et qui avait une place, une notoriété également qu'on lui reconnaissait. Puis il avait voix au chapitre et il l'a utilisé à bon escient. Oui. Un dernier aspect peut-être sur... vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans l'émission, c'est un journaliste aussi. Il doit gagner sa vie et c'est par le journalisme que ça passe. Et toute sa vie, il va se dire lui-même journaliste. Qu'est-ce que ça représente dans sa vie, le journalisme? Bien, c'est toute sa formation. En fait, il a étudié en droit, ce qu'il n'a pas beaucoup aimé. Il aurait voulu aller en littérature, mais pour gagner sa vie, il est devenu journaliste et il a excellé dès le départ. Il a écrit des critiques d'abord. Ensuite, il est allé aux Nouvelles quotidiennes, aux Chiens écrasés. Et il a fait école. Et il a rédigé des séries d'articles qui sont devenus des modèles du genre. Par après. Donc, ça a vraiment été son école d'écriture. Et pendant tout le long de sa vie, il a été attaché au journalisme à tel point de créer des écoles, d'encourager le mentorat entre les jeunes journalistes et les plus vieux pour leur apprendre leur métier. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour lui. Richard Bovin, ex-professeur de littérature, de cinéma et de bande dessinée au cégep de Chicoutimi, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Sachez que la vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on se souvient. Citation. C'est ce qu'il dit. De Marquez. Merci oui. beaucoup, Richard Boivin. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.